Économique sur 500 entreprises étrangères en Normandie, 53 entreprises viennent du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est le 4e client de la Normandie pour l'export et le 7e fournisseur pour l'import. Pour la Normandie, c'est la 4e région de résidence des Britanniques en France. Le lien privilégié entre les universités normandes et britanniques, le président de la région Normandie, Hervé Morin, a exprimé ce mercredi à Londres son inquiétude quant aux conséquences du Brexit et la mise en place de nouveaux contrôles sur l'activité et le trafic des ports normands. Notre inquiétude majeur et sur le degré d'anticipation, il n'est probablement pas satisfaisant pour les services vétérinaires. C'est ce qu'a déclaré Hervé Morin lors d'une conférence de presse à l'issue d'une visite de 2 jours au Royaume-Uni. Je pense que les douanes ont beaucoup plus anticipé les choses. Il estime qu'après le Brexit, 40% des poids lourds qui vont arriver dans les ports normands vont faire l'objet de contrôles vétérinaires et phytosanitaires. La conclusion d'un accord de sortie, objet du sommet européen de dimanche à Bruxelles, pourrait permettre la mise en place d'une période de transition à partir du 30 mars 2019 au lendemain du Brexit et jusqu'à fin 2020 pour laisser aux entreprises et aux autorités le temps de s'adapter aux nouvelles contraintes réglementaires engendrées par le retrait britannique. Mais cette période d'adaptation ne rassure pas entièrement Hervé Morin. Ça nous donne 1 an et demi de plus, mais 1 an et demi, c'est très court. Il va y avoir un effort d'adaptation qui est absolument considérable, c'est ce qu'il a souligné. Hervé Morin s'inquiète également de la facture que représentent les aménagements portuaires nécessaires et la mise en place des contrôles qu'il chiffre en dizaines de millions d'euros. Fin de citation. En sport et en football, le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France a eu lieu mardi soir au Stade de France. Avant le match France-Uruguay, parmi les clubs normands encore en lice, le club de Villers-Houlgate, qui joue en R3, petit pousset de cette Coupe de France, a tiré le gros lot et affrontera Le Havre, club de Ligue 2. Wassel, club de N2, affrontera de son côté un autre club de Ligue 2, le FC Metz. Ce sera à domicile. Avranches, club de National, se déplacera à Pontivy, stade club de N3, tandis que Grand Quevilly, club de R1, recevra la GSI Pontivy, club de National 3. Les matchs auront lieu le week-end du 8 et 9 décembre prochain. Notez qu'il n'y a plus de club de l'heure. Il s'agit du dernier tour avant l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Emmanuel Ducouret, le nouveau patron des sapeurs-pompiers de l'Eure. Ce colonel de 46 ans va prendre la direction du service départemental d'incendie et de secours à compter du 3 décembre prochain. Une prise de commandement officielle devrait avoir lieu à Évreux le samedi 8 décembre. Originaire de Charente, Emmanuel Ducouret occupait depuis 2 ans la direction du centre départemental de la Nièvre. Auparavant, entre 2005 et 2016, il avait successivement été le responsable des ressources humaines des sapeurs-pompiers du Loir-et-Cher, du Maine-et-Loire et de Haute-Savoie. Bienvenue à lui. Un véhicule dont le passager avant ne portait pas de ceinture de sécurité a été intercepté dimanche vers 16h par une équipe de police rue Georges Duhamel à Évreux. Lors du contrôle, les forces de l'ordre se sont aperçues que le jeune homme en infraction, âgé de 15 ans, était en possession de près de 20 grammes de résine de cannabis. Interpellé, il a été conduit à l'hôtel de police et placé en garde à vue pour détention de produits stupéfiants. Originaire d'Eure-et-Loir, il a été remis en liberté à l'issue de son audition. Il devra répondre à une convocation devant le juge des enfants du tribunal de Chartres le 8 mars 2019. Et puis un conducteur résidant dans le secteur de Dreux roulait en direction de Buch jeudi 15 novembre dernier à Massy-sur-Eure, au sud d'Évreux, lorsqu'il a perdu le contrôle de sa voiture. Il est venu percuter violemment le pont de pierre situé à la sortie du village, endommageant sérieusement l'édifice. Une des roues de sa voiture s'est détachée dans le choc et un automobiliste qui suivait l'a percuté. Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour secourir les accidentés. Le chauffeur responsable de la sortie de route a été conduit à l'hôpital de Dreux pour passer des examens, mais son état n'a pas inspiré d'inquiétude. Il a pu quitter l'hôpital. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'homme téléphonait au moment du choc et le test d'alcoolémie était positif. Les gendarmes sont dans l'attente des analyses sanguines effectuées à l'hôpital pour voir la suite qui sera donnée à cette affaire. Enfant des villes, ou enfant des fois, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera, comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira

pause déj. La pause déj, la rediff, c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. Allez les petits chats, c'est à vous de jouer aujourd'hui. Pour répondre à mon quiz, vous appelez au 02 32 23 53 96. Il y a 3 candidats qui passent. Et si tu fais le meilleur score, bah tu remportes ton jeu vidéo de ton choix sur la console de ton choix. 02 32 23 53 96 pour s'inscrire à la pause déj. On part du côté de Tillard-sur-Avre dans le 27 avec Marine. Bonjour. Bonjour. Marine, t'as quel âge ? J'ai 10 ans. Et tu es en quelle classe ? CM2. Ça va, ça se passe bien ? Oui. Est-ce que t'as eu cours ce matin ? Non. Non, t'as pu dormir, t'as fait quoi du coup ce matin ? J'ai regardé la télé. Tu regardes quoi la télé en ce moment ? Des dessins animés. C'est lequel ton préféré ? Miraculous. Ah, je connais pas. Tu peux m'expliquer, ça parle de quoi ? Bon, en fait, c'est une fille. Et en fait, qui est une super-héroïne et un garçon aussi. D'accord, et t'aimerais être une super-héros, toi ? Oui. Et t'aimerais avoir quoi comme pouvoir, si tu pouvais en avoir un ? Je sais pas. Ah, tu sais pas, genre voler, par exemple ? Être invisible ? Ouais. Courir vite ? Non, ça t'intéresse pas de courir vite ? Non, pas trop. Ou avoir, tu sais, les bras qui s'étendent très très loin pour pouvoir aller récupérer quelque chose dans le frigo sans avoir à se lever du canapé. Oui. Oui, ça me fait rêver, moi aussi. Si je devais avoir un super pouvoir, je volerais ou je me téléporterais. Comme ça, je voyagerais partout dans le monde, à n'importe quel moment. Ce serait top. Marine, aujourd'hui, tu vas pouvoir gagner un jeu vidéo si tu fais le meilleur score parmi les 3 candidats. Alors, ce serait quel jeu vidéo ? Je sais pas, un jeu de Wii pour jouer avec moi et toute ma famille. Oh, c'est sympa ça, dis donc, de penser à sa famille. Bon Marine, on y va pour une minute de questions. Je te rappelle qu'il ne faut pas que tu sois aidée par un adulte, sinon je ne peux pas accepter ta réponse, d'accord ? Ok. On y va, c'est toi toute seule, c'est ton moment Marine. Bonne chance, 3, 2, 1. Donne-moi le titre exact de cette chanson. Jour 1. Combien de hauts dans Noix de coco ? 2. De quelle couleur sont les bottes de Superman ? Rouge. Comment appelle-t-on les personnages qui manifestent sur des barrages routiers depuis le week-end dernier ? Les gilets jaunes. Cite-moi au moins 3 ingrédients qui entrent dans la recette classique du hamburger. Du pain, du fromage fondu et un steak. Donne-moi à 3 ans près l'âge du DJ Kungs. 27 ans. Dans quel pays peut-on croiser des koalas dans la nature ? En Afrique. Quelles sont les 3 couleurs du drapeau britannique ? Rouge, blanc et bleu. Dans quel océan pourrais-je me baigner si je suis à la plage sur l'île de la Réunion ? Bon, il n'y a personne. Marine, es-tu là ? Oui. T'avais pas réponse à la dernière question. Je sais pas. Alors dans quel océan on peut se baigner si on est à la plage à l'île de la Réunion ? Ça fait rêver, du sable fin, de l'eau toute transparente. Eh bien c'était de l'océan Indien. Ah. Bon, tu révises en ce moment les océans à l'école ? Non. Non, pas encore. Oh, c'est peut-être un petit peu plus tard. Alors Marine, il fallait retrouver en effet dans cet extrait la chanson « Jour 1 » de Louane. Bien joué. Jour 1, amour numéro 1. Tu l'aimes bien Louane ? C'est l'amour. Pas trop. Ah bon ? Pourquoi ? Tu sais pas, avant, c'est comme ça. Avant je l'aimais, mais plus beaucoup. Ah d'accord, pourquoi ? Tu trouves qu'elle a trop changé ? Je sais pas. C'est qui ton artiste préféré ? J'en ai aucune idée. Ah t'en as aucune idée ? Ben c'est peut-être moi alors. Non. Le silence qui veut tout dire. Alors, combien de O dans Noix de coco ? Il n'y en a pas 2, il y en a 3 dans Noix déjà. Il y a un O et dans coco, il y en a 2, donc ça fait 3. Et la couleur des bottes de Superman, c'était bien rouge. Tu restes avec nous ? Il reste encore d'autres questions à débriefer. On va voir ton score dans un instant, Marine. Surtout, ne raccroche pas, tout de suite. À tout de suite. Et nous, en attendant, on écoute Offenbach avec Paradise. Yeah. It's my little take on my base. au 02 32 23 53 96 et peut-être remporter le jeu vidéo de votre choix sur la console de votre choix. Marine a tenté sa chance aujourd'hui. Notre première candidate, elle a 10 ans, elle habite à Tillières-sur-Avre dans le 27, elle est en CM2 et elle aimerait faire de la natation. Bah pourquoi tu t'inscris pas ? Bah je peux pas vu que j'en fais déjà à l'école. Ah d'accord, bah l'année prochaine quand tu seras au collège. Bah en fait au collège aussi on en fait en 6e. Bah ça t'empêche pas d'en faire à côté quand même, non ? Ouais. Bah après tu vas avoir la peau toute flasque et tout, tu sais les doigts de mémé, à force de rester trop longtemps dans l'eau. Alors Marine, comment appelle-t-on les personnes qui manifestent sur des barrages routiers depuis le week-end dernier ? C'est vrai qu'on les appelle les gilets jaunes. Je te demandais de citer au moins 3 ingrédients qui entrent dans la recette classique du hamburger. Tu as dit le pain, le fromage et la viande, qui étaient en effet les 3 principaux ingrédients. On peut rajouter aussi des oignons, des cornichons ou encore de la salade. Oui. Je te demandais à 3 ans près l'âge du DJ Kongs. Il a 21 ans. Ouais, qui serait d'ailleurs en couple avec Louane. Que tu n'aimes pas trop, tu m'as dit. Oui, oui. Alors, ce sont que des rumeurs, hein, pour le moment. Ils n'ont jamais confirmé. Mais apparemment, ils seraient tous les deux amoureux. Dans quel pays peut-on croiser des koalas dans la nature ? C'était pas en Afrique, en Australie surtout. Ce sont des animaux qui sont originaires d'Australie. Les 3 couleurs du drapeau britannique. Bien joué, c'est bien le bleu, le blanc, le rouge, comme nous, ici, en France. Alors... J'ai dans la chambre à mon frère le drapeau de... Ah bah, tu diras merci à ton frère, il s'appelle comment ? Antoine. Il a quel âge ? Il a 15 ans. Ok, il est grand et ça va, vous entendez bien ? Vous battez pas trop à la maison ? Ça va. Ça va, ça veut dire que si quand même, on chahute un petit peu. Alors Marine, tu as fait 5 points aujourd'hui dans la pause déj, pas mal du tout. Marine ? Oui ? Nous aimerions avoir une réaction. Merci. Bon, 5 points, c'est pas mal déjà. Ouais. Ouais, non, tu m'as l'air déçue, dis donc. Tu pensais en avoir fait plus ? Oui. Non, bah ce sera 5 pour aujourd'hui. Tu sais, je t'ai posé 9 questions, hein. Ça fait 5 sur 9. C'est pas mal. Oui. Bon, tu vas peut-être être battue hein, tout à l'heure par des candidats s'ils font plus de 6 points. Ok. Sinon, s'ils font pas plus de 6 points, eh bien c'est toi qui remporte la pause déj aujourd'hui. Donc tu restes bien à l'écoute, d'accord ? Okay. Et peut-être à tout à l'heure. La nuit, la pause déj passe en mode rediff sur Cristal. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until the beast, out of world without the peace, face a bit of the truth. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break.

Un véhicule dont le passager avant ne portait pas de ceinture de sécurité a été intercepté dimanche vers 16h par une équipe de police rue Georges Duhamel à Évreux. Lors du contrôle, les forces de l'ordre se sont aperçues que le jeune homme en infraction âgé de 15 ans était en possession de près de 20 grammes de résine de cannabis. Interpellé, il a été conduit à l'hôtel de police et placé en garde à vue pour détention de produits stupéfiants. Originaire d'Eure-et-Loir, il a été remis en liberté à l'issue de son audition. Il devra répondre à une convocation devant le juge des enfants du tribunal de Chartres le 8 mars 2019. Et puis un conducteur résidant dans le secteur de Dreux roulait en direction de Buch jeudi 15 novembre dernier à Massy-sur-Eure, au sud d'Évreux, lorsqu'il a perdu le contrôle de sa voiture. Il est venu percuter violemment le pont de pierre situé à la sortie du village, endommageant sérieusement l'édifice. Une des roues de sa voiture s'est détachée dans le choc et un automobiliste qui suivait l'a percuté. Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour secourir les accidentés. Le chauffeur responsable de la sortie de route a été conduit à l'hôpital de Dreux pour passer des examens, mais son état n'a pas inspiré d'inquiétude. Et il a pu quitter l'hôpital. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'homme téléphonait au moment du choc et le test d'alcoolémie était positif. Les gendarmes sont dans l'attente des analyses sanguines effectuées à l'hôpital pour voir la suite qui sera donnée à cette affaire. La pause déj. La pause déj, la rediff, c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. Soyez les bienvenus sur Cristal. Tous les mercredis, ce sont vos enfants qui jouent à la pause déj. Vous pouvez les inscrire au 02 32 23 53 96. Ils ont entre 8 et 14 ans et il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances si spéciales que ça. Il n'y a pas besoin d'être premier de la classe pour pouvoir jouer à la pause déj. N'hésitez pas à vous inscrire. En attendant, il faut battre Marine de Tillières-sur-Avre dans le 27. Elle a 10 ans et elle a fait 5 points. Il faut d'autres, donc en faire 6 minimum aujourd'hui pour la battre. Nous sommes donc avec Marina. Bonjour. Bonjour. Marina, tu as 9 ans et demi. Oui. 9 ans et combien de mois exactement ? Je sais pas. Ah, c'est bizarre, ça. Normalement, on compte à cet âge-là, non ? Nous, non. Non, 9 ans et demi, bientôt 10 ans. Et tu es en CM1 ? Oui. Tu fais de l'équitation depuis 4 ans et tu as ton poney là-bas. Hein, donc, tu n'as pas ton propre poney. Mais celui que tu préfères, c'est Cameroun. Oui, c'est ça. Pourquoi lui ? Bah parce qu'il est hyper gentil, mais par contre, il a un œil, il voit pas d'un œil. Ah, d'accord, il est aveugle d'un œil. Oui. Oh, le pauvre. Mais ça n'empêche pas d'être fort, je suppose. Oh, bah oui, il est trop mignon. Il est trop mignon. Je suis sûre que tu as des chevaux partout dans ta chambre. Oui. Genre, est-ce que tu as comment on appelle ça, ton agenda qui est avec un cheval dessus? Bah en fait, je voulais essayer d'en trouver, mais j'en ai pas trouvé. Bon, c'est bizarre ça quand même. Il doit bien y en avoir. Ah, va falloir te trouver pour l'année prochaine un agenda avec un cheval dessus. Je veux et j'exige. Hein. Marina, il faut battre Marine aujourd'hui. Elle a fait 5 points. Faut que t'en fasses 6. Est-ce que tu penses que c'est possible ? Oui. Ouais, carrément. Bon, sans l'aide des parents, hein, je te rappelle. Hein. Sinon, j'accepte pas la réponse. Et croyez-moi, on vous entend, les parents, hein, derrière, quand vous soufflez. On y va pour une minute de questions. 3, 2, 1. Donne-moi le titre exact de cette chanson. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Quels sont les trois types de dents chez l'adulte ? Elle n'a pas répondu. Si, elle a dit je passe. Ah, d'accord. Quels sont les trois types de dents chez l'adulte ? Passe. Donne-moi le score du match France-Uruguay d'hier soir. 4-3, je crois. Dans quelle ville se déplace-t-on à bord de gondoles ? Traditionnellement, à qui les enfants sages envoient-ils une lettre en fin d'année ? Père Noël. Donne-moi 3 minutes près le temps de cuisson idéal des spaghettis. 10. Cite-moi un fruit sans noyau ni pépin. Comment s'appelle la veste matelassée et en duvet qu'on porte l'hiver ? Manteau ? Oui, non, non, on appelle plutôt ça une doudoune. Je suis sûre que t'en as une en plus. Oui. Bon, Marina. Dis-moi, pour la première question, je te demandais le titre exact de cette chanson. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Tu as dit en feu, c'est ça ? Oui. Oui ? Bon. J'avais cru entendre je passe. Mais non. C'était en feu. Bon, on te l'accepte pour aujourd'hui. car c'est une erreur de notre part et surtout de la faute de Jocelyne, l'arbitre de la pause déj. Elle fait n'importe quoi, surtout le mercredi. Ah, elle est intenable. Quels sont les trois types de dents chez l'adulte? Pas facile comme question quand même. Eh oh, on n'est pas dentiste nous, hein? Qui a écrit cette question? Alors, il y a les incisives, les canines et les molaires. Et le score du match France-Uruguay d'hier soir, c'était, il me semble, sur M6. Eh bien, la France a gagné 1-0. Marina. On va écouter de la musique tout de suite. On écoute Vita et Slimane. Est-ce que t'aimes bien? Oui. Oui, c'est... Ben, on va l'écouter rien pour toi avec Je te le donne tout de suite. Et on va voir ton score juste après cette chanson. À tout de suite. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là. Fait 5 points en tant que première candidate. C'est donc le score à battre. Marina, du côté de Conche, a essayé de battre ce score. Alors Marina, ça va? T'étais un peu stressée de passer à la radio, il me semble. Oui. Bon, ça fait quoi de passer à la radio, en fait? Bah, c'est stressant. Bon, ça va. T'as rien arrivé, du coup. Je suis plutôt gentille. Oui. C'était comme si on était au téléphone toutes les deux. Oui. Sauf qu'il y a plein de gens qui t'écoutent. D'ailleurs, il y a peut-être des gens de ton école qui sont en train de t'écouter en ce moment. Si tu veux passer un message à des amis, tu peux le faire. Bah, si vous m'écoutez, bah, on se revoit à l'école puis on parle de ça. Et tu les inviteras à jouer comme toi, hein, d'accord? Alors, ouais. Je te demandais, dans quelle ville se déplace-t-on à bord de gondoles?

Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. La pause déj, la rediff, c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. Et la candidate à battre aujourd'hui, la candidate, oh là là, je fais des fautes, c'est pas bien. La candidate à battre aujourd'hui, c'est Marine. Elle a fait 5 points, faut en faire 6 minimum pour emporter le jeu de son choix sur la console de son choix. Et je suppose que vous avez plein d'idées. À mon avis, il y en a même qui ont été commandées cette année au Père Noël. Alors, nous sommes avec Gaëlle, elle a 10 ans également. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Hey, t'es en forme, dis-moi. T'as pas eu école, toi, ce matin? Si, ce matin, j'ai eu école. Ah, si. Ah, d'accord, ok, excuse-moi. Oh, t'as école le mercredi matin, du coup? Oui. T'aimerais ne pas avoir école le mercredi, je suis sûre. Ouais. Pour pouvoir dormir et faire la grasse mat. Franchement, c'est trop bien, en plein milieu de semaine. Bon, t'as eu cours de quoi, ce matin? Hein? T'as eu cours de quoi, ce matin? Bah, d'école. Oui, mais t'as fait quoi? T'as fait des maths, t'as fait du français, t'as... J'ai fait des maths, des français, des top calculs, des dictées, plein de trucs. D'accord. Gaëlle, avec Marine, la première candidate, on parlait de super pouvoir tout à l'heure. Et je lui demandais ce qu'elle aimerait avoir comme super pouvoir. Alors elle m'a dit voler, avoir les bras élastiques, aussi se téléporter. Toi, ce serait quoi ton super pouvoir idéal? Moi, c'est que faire des années pour qu'on joue... De faire de la neige? Ouais. Ah, t'aimerais faire de la neige? Oui. D'accord, pour pouvoir enneiger les routes, pour pas pouvoir aller à l'école? Ouais. Pour pouvoir lancer des boules de neige sur, oui, sur les gens que t'aimes pas? Oui. Il y a des gens que t'aimes pas, toi? Oui. Ah bah oui, mais bien sûr, ça arrive à tout le monde, hein. À part à Jocelyne, l'arbitre de la pause déj, elle aime tout le monde, elle. C'est un vrai petit cœur, un vrai petit chamallow. Jocelyne, écoutez-la, regardez, elle rigole tout le temps en plus. Gaëlle, il faut que tu fasses 6 points à la pause déj aujourd'hui pour battre Marine. Es-tu prête? Oui. On y va, c'est parti. Allez, on reste en forme. 3, 2, 1. Donne-moi le titre exact de cette chanson. Alors le titre. Moi-même. Quelle est la forme géométrique d'une équerre à l'école? Un rectangle. Quel terme anglais désigne une gomme à mâcher? Je passe. Comment s'appellent les bébés des poux? Des lentes. Dans quelle ville française peut-on aller voir un match de foot au stade Vélodrome? Je passe. Quel pays d'Europe a la forme d'une botte? Rouge. Sur un téléphone ou une tablette, que permet de faire l'application Molotov? Je passe. Comment dit-on fromage en anglais? Je n'en sais rien. Donne-moi 3 ans près l'âge du footballeur Paul Pogba. Dis un chiffre. Je n'en sais rien. Je passe. Oh, c'est dommage quand t'as pas... Si tu connais pas l'âge d'un artiste ou d'un footballeur, quand je te pose la question... Tu peux dire n'importe quel âge. T'aurais pu dire que Paul Pogba, par exemple, il avait 22 ans, ce serait passé, il a 25 ans. Paul Pogba. Alors, comment dit-on fromage en anglais? Je suis sûre que tu le sais. Non. Mais si, c'est le mot qu'on dit avant de prendre une photo. Allez, à trois, on sourit. 3, 2, 1, cheese. Cheese. Non? Non, tu connaissais non, pas? Non, j'en sais rien. Bon, bah alors, sans... alors sans regret, alors. Sur un téléphone ou une tablette que permet de faire l'application Molotov, c'était de regarder la télé. Ah. Et alors là, j'ai pas compris. Quel pays d'Europe a la forme d'une botte? Tu as dit rouge. Je te demandais un pays. Ah, bah je ne sais pas. C'était l'Italie. Bon, il y a des bonnes réponses quand même. On va regarder s'il y en a assez aujourd'hui pour gagner ton jeu vidéo. D'accord? Oui. A tout de suite, Gaëlle, on écoute de la musique. En attendant, voici The Blaze avec She sur Crystal. Oh, spécial enfant, nous allons connaître dans un instant la gagnante du jour qui oppose donc Marine du côté de l'Eure à Gaëlle du côté de Mailly la campagne dans le Calvados qui a gagné son jeu vidéo. Alors, il fallait battre Marine aujourd'hui, il fallait faire au moins 6 points. Est-ce que Gaëlle a fait ses 6 points? Gaëlle, alors, t'en as pensé quoi? C'était si stressant que ça de passer à la radio? Oui. Oui, non, mais ça a été quand même. En tout cas, ça n'est pas entendu. Alors, quelle chanson fallait-il reconnaître? Je te demandais hein, le titre exact. Alors, tu as dit Maître Gims, Vianney, et ensuite, tu as dit la même, en effet. Tu la connais par cœur, je suis sûre. Ouais, tu peux me la chanter ou pas? Non. Non, trop timide. Alors, quelle est la forme géométrique d'une équerre à l'école? Une éclair, c'est triangulaire et non pas rectangulaire. Le terme anglais qui désigne une gomme à mâcher, je suis sûre que tu connais, un chewing-gum. Oui. Les bébés des poux, ce sont les lentes. Oh, on les déteste d'ailleurs. Ouais. Et dans quelle ville française peut-on aller voir un match de foot au stade Vélodrome? C'était à Marseille.

wanna f- but I'm broken hearted. But I like to party. But I got nobody here on my own. I wanna f- but I'm broken hearted. Since the day we parted. But I got nobody, so I do it solo. Froid aussi à Rouen et sur le périph' de Caen, dans les campagnes en bord de mer, c'est très froid aussi. Hein. D'ailleurs, restez prudents sur les routes, on vous le répète, hein, mais ça glisse ce matin, alors roulez vraiment tranquillement. Bon courage d'ailleurs, hein, si vous bossez déjà, les températures ont baissé en quelques jours, c'est vrai, faut encore s'habituer. Mais ça pique quand on sort pour prendre la voiture ou les transports. Pensez à vous couvrir aussi, hein, c'est la saison des rhumes, et croyez-moi, je suis bien placé pour le savoir. Il est bientôt 6h, très bon réveil, j'espère que ça va. David Guetta arrive avant l'actuel la météo, mais d'abord, on passe à votre horoscope avec Alex. Alexandra. Salut Alex. Bonjour à tous. Le 22 novembre aujourd'hui, nous sommes jeudi. L'horoscope des béliers, tout semble aller pour le mieux, du moins. Vous faites tout ce qu'il faut pour que ça marche dans votre couple. Les taureaux, les étoiles brillent dans vos yeux. Votre vie sentimentale ressemble à votre idéal. Gémeaux, vous vous levez du bon pied. Les astres vous soutiendront toute la journée. Cancer, vous aurez l'énergie nécessaire pour affronter une grande masse de travail. Mais les échanges seront compliqués. La pudeur se dissipe. Les lions, les sentiments sont sincères et dévoilés. Osez faire votre déclaration. Une chose est sûre, les vierges, aujourd'hui, vous ne vous laisserez pas marcher sur les pieds. Balance, votre charme naturel vous aide à aller jusqu'au bout de vos rêves et de vos envies. Scorpion, Vénus vous adoucira et vous apaisera en cas de contrariété. Vous parviendrez à gérer votre stress. Rien n'est laissé au hasard, les sagittaires. Vous êtes tout ouïe, prête à faire tout ce qu'on vous demande. Attention, les capricornes, vous pourriez vous montrer un peu trop directif, trop tranchant dans vos propos. Verseau, l'ambiance reste au beau fixe toute la journée. Cela fait du bien. Les poissons, vous déclenchez systématiquement l'envie de mieux vous connaître, d'aller plus loin avec vous. Excellente journée à tous. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you. C'est dans un mois et dès la semaine prochaine, on va commencer les régimes pour perdre quelques kilos avant les fêtes. Et bien, l'ex-star de la série Buffy contre les vampires nous donne sa technique pour éviter les kilos en trop. Il est 6h, très bon début de journée. La première hit radio en Normandie. À 6h, l'actu en Normandie, c'est avec Julie Desbois. Bonjour Julie. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À la une, du Japon à la Normandie, l'affaire Carlos Ghosn peut-elle avoir des conséquences sur les usines Renault? Réaction de la CGT de l'usine de Cléon dans ses infos. Les Gilets jaunes entament ainsi